Cari amiche, cari amici, bentrovati, bentrovate, siete su Radio Alma, brussellando, Maridì ai microfoni. E veniamo da una bella settimana di Bianco Natale, direi, no? Siamo nell'anno nuovo, però insomma è veramente Bianco Anno Nuovo, quindi abbiamo aperto effettivamente con questa candida neve che già da qualche giorno imbianca la città. Saluto Dani M in regia. Buona serata a tutti. Saluto la nostra Fiordaliso. Buonasera. E il nostro Giorgetto che si è fermato ovviamente a fare quattro chiacchiere con l'equipe precedente, l'equipe che ci ha preceduto, e quindi abbiamo anche questa sera la trasmissione di, del martedì sera di Radio Alma, per l'appunto brussellando. Questa sera è una puntata un po' particolare, una puntata dedicata ad un evento ahimè poco felice, di cui tanto si è parlato nella stampa e che poi per un motivo o per un altro è stato un po' quasi dimenticato. Vi ricorderete 3 anni fa, 3 anni e una settimana circa, poi capiremo la data, 3 anni e 3 giorni, c'era stato un terremoto che aveva devastato una delle regioni, chiamiamola così, più belle dell'America Latina, che è quindi per l'appunto, avete già capito, Haiti. E questa sera abbiamo il piacere di intervistare Bruno Mariani. Buonasera Bruno. Buonasera a tutti. Il quale ha avuto la possibilità di andare più volte ad Haiti, sia come volontario sia in altre vesti, e questa sera ci vuole raccontare per l'appunto questa sua esperienza. Bruno è di origine italiana, però è da tanti anni in Belgio. Quindi faremo un mélange, credo, questa sera tra il francese e l'italiano. Come saprete, il francese, insomma, per padroneggiarlo anche a livello di radio ci vorrebbe uno sforzo in più, però questa sera mi impegnerò per garantire, come al solito, la massima qualità, come sono abituata ormai già da tempo. Bruno, donc, je te souhaite la bienvenue a Brussellando. Marilena, tu parles très bien le français. Alors oui, ne dis sais. Pas que tu dois faire un grand effort, c'est non. Pas vrai. Je sais, mais bon, à la radio c'est un peu différent, tu vois. Quand j'écoute le podcasting, je sais pas. Peut-être je n'ai pas l'habitude, tu vois, à me réécouter en français. C'est et pour en plus, ça. Tu as un accent charmant. Ah, ça, je te remercie. Voilà. Donc, tu as une histoire un peu peculiaire, parce que dans ta vie, tu as fait pas mal de choses. Tu as travaillé dans le secteur bancaire, tu as travaillé pendant un moment à la Commission européenne, et maintenant, tu es aussi photographe. Donc, si on doit faire un bilan parmi ces expériences, laquelle tu préfères? Écoute, je vais te dire qu'un projet, je travaille sur un projet, et puis je me lasse, et puis je passe à autre chose. Donc, j'ai fait de la sculpture, j'ai fait de la photographie, j'ai écrit, j'ai travaillé dans une banque, mais ça c'est un très mauvais souvenir. Puis j'ai fait un peu de coopération et développement, puis j'ai fait du tourisme, puis je voilà quoi. Voilà un peu mon parcours quoi. Des différentes étapes dans la vie. Différentes étapes dans la vie, tu vois. Mais alors, tu étais à Haïti plusieurs fois. Alors, j'y ai vécu deux ans. Donc j'ai vécu 2 ans en Haïti. À l'époque, j'avais trouvé un contrat avec la Commission européenne. Je dois dire que c'était un coup de chance parce que personne à l'époque voulait y aller pour la dangerosité. Le pays était dans un état épouvantable, donc ils m'ont pris en désespoir de cause. Mais enfin, ça a été une fabuleuse expérience parce que c'est un pays qui m'a fasciné. La preuve, c'est que j'y suis retourné, je crois, 10 ou 12 fois. 10 ou 12 fois, ouais, oh maman ouais, mia, c'est ouais. Beaucoup quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Et raconte un peu tes émotions, parce que j'imagine que pendant le temps que tu étais là-bas, tu as eu l'occasion de voir pas mal d'endroits, de oui. parler avec les gens et d'assister même à la transition, parce que j'imagine qu'il y a eu une transition entre la période du tremblement de terre et toutes les étapes successives. Donc, d'accord. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Voilà. Donc, moi, je suis allé juste après le tremblement de terre. Donc, je rappelle aux auditeurs qu'il y a eu 250 000 morts. 300 000 blessés, amputations diverses, etc. 1 200 000 sans-abri. Voilà, donc j'y suis retourné cette année. Enfin non, on est en 2013, donc l'année dernière. Donc, quelle est la situation actuelle? Donc, il reste à peu près environ 300 000 sans-abri. Sans-abri. Par contre, ils ont eu beaucoup de problèmes parce que après le tremblement de terre, il y a eu des tempêtes tropicales qui a fait pas mal de dégâts. Donc il y a eu Isaac récemment, donc l'année dernière, qui a fait pas mal de dégâts. Et puis, puis il y a eu, ouais, c'est un pays qui a pas de chance. Puis il y a le choléra. Le choléra qui a tué, donc, en plus des 250 000 morts victimes du tremblement de terre, ben, à ce jour, on est à 8 000 décès du choléra et à peu près 400 000 personnes qui ont été atteintes par la maladie. Donc, tu vois, c'est un pays maudit et pourtant un pays merveilleux, magnifique, d'une culture insoupçonnée. Enfin, c'est un pays très intéressant. Mmh. Et quelle a été la réaction des gens que tu as visités là-bas? Qu'est-ce qu'ils te disaient? Ils étaient heureux de te voir, de t'accueillir avec bienveillance. Ah, mais moi, ce sont des amis, parce que je retourne régulièrement dans un petit village dans le sud de l'île, et je suis chez moi, là, parce que, bon, j'ai fait des petits projets avec eux. Et ce sont des relations très amicales, tu vois. Tu vois, et puis, bon, quelque part, je suis un peu le bon blanc, entre guillemets. Tu vois, parce que quand je suis là, je paie à boire à tout le monde. Si, tu vois, ils étaient contents, quoi. Voilà, je vais te raconter une anecdote qui est assez amusante. Par exemple, tu vois, j'ai loué une petite maison au pays. Et devant chez moi, il y avait une petite jeune qui vendait des saucisses. Tu vois, des saucisses au feu de bois. Eh bien, comme c'est un pays qui est très pauvre, hein, vous savez, c'est un pays, c'est 1 $ ou 2 $. Per capita, ouais, ouais, voilà. Eh bien, tu vois, si je voulais acheter une saucisse, eh ben, ça me coûtait 15 saucisses, parce que acheter une saucisse, et t'en as 15 derrière qui te regardent, eh ben voilà quoi. Donc, il faut les acheter à tout le monde. Eh, ouais. Non, non, mais c'est un pays intéressant à part. Tu vois, moi, je retrouve quelque chose que je connaissais en Italie il y a 50 ans, cette espèce de ruralité qui a disparu en Italie. Tu vois, la ruralité, la campagne. La vraie campagne, la ruralité. Et c'est quelque chose que je retrouve là-bas. Tu vois? Cette espèce de relation simple. On n'est pas, tu vois, quand je suis là-bas, l'électricité. Enfin, à l'époque, quand j'étais, il n'y avait même pas d'électricité, il n'y avait même pas de route. Maintenant, bon, il y a une route asphaltée qui arrive dans ce petit village. Il y a un petit peu d'électricité. L'eau, un jour oui, un jour non. Tu vois, c'est cette ruralité qui m'intéresse. Et puis la culture. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un pays. Quand on parle d'Haïti, à quoi les gens pensent? La peinture, l'art naïf haïtien, qui est très intéressant. Il y a des peintures qui sont exposées un peu dans les grandes galeries du monde, à New York, à Tokyo, etc. Donc la peinture est très intéressante. Et alors surtout la littérature. Parce que, tu vois, c'est un pays qui a 10 millions d'habitants, comme la Belgique, qui a à peu près la même superficie. Hein, 30 000 kilomètres carrés. Eh bien, je connais plus d'autres d'écrivains haïtiens que d'écrivains belges. Chose incroyable. Mais là, on peut t'aider quand même. Hein, Pourquoi parce qu'on connaît pas mal d'écrivains belges. Donc, ici à Bruxelles, non. Donc, si tu veux, non, on peut combler le vide. Non, non, mais je lis pas mal. Mais je veux dire, non, mais attention. Quand je te dis qu'il y a beaucoup d'écrivains, en 2011, ils ont eu 10 prix littéraires. Y compris à Médicis. Tu vois, il y a Dany Laferrière qui est connu mondialement. Oui. Il y a Trouillot qui est connu mondialement. Il y a Cathy Mars qui est connue. Enfin, je peux t'en citer plein. Donc, il y a une vraie littérature. Mm-hmm. Évidemment, il est évident qu'en Belgique, il y a beaucoup de gens qui écrivent. Mais la littérature a un petit plus, tu vois. Pour revenir avec cette espèce de, d'originalité qui tourne autour de la culture sud-américaine. Un mélange de culture sud-américaine, africaine, l'influence du vaudou, etc. Tu vois, ça donne quelque chose d'original. Voilà. Ah, ça, je peux l'imaginer quand même. Donc, si tu connais quelqu'un, on pourrait même envisager une interview, si tu veux. Ah, il n'y a pas. Qui serait intéressé à participer au téléphone, bien sûr. Un écrivain. Ah, ben, tu sais, pas mal d'écrivains sont des amis. Mais évidemment, je vais les appeler en Haïti. Bien sûr. C'est possible. Oui, c'est possible. Avec plaisir, avec un très grand plaisir. Oui, ça peut s'envisager. Ça peut s'envisager. Donc ça, on peut le faire. Oui. Et moi, j'ai plein de curiosités parce que c'est une île quand même qui est très fascinante. Et je voulais encore te poser des questions. Oui. Alors, une question concerne aussi les institutions haïtiennes. Est-ce que tu as eu l'occasion aussi d'être en contact avec les institutions et quelle était en fait leur réaction aussi aux étrangers et à ceux qui étaient là sur place. Bon, évidemment, j'ai des contacts avec les institutions. J'ai d'ailleurs, quand j'y vivais à l'époque, il y a une amie qui est devenue ministre des Finances. Je connais pas mal de monde. Alors, les institutions, bon, il faut pas oublier une chose. Les institutions, ils ont pas mal de difficultés. Pourquoi? Il faut pas oublier que quand il y a eu le tremblement de terre s'est passé à la capitale. Mm. Ce qui veut dire que tous les bâtiments ministériels, etc., ont été détruits. Pas mal de cadres sont morts, etc., etc. Donc, pour relever le pays, il faudra encore pas mal d'années. Et alors, justement, parlant des institutions, le grand problème, c'est que la catastrophe a été prise en main par la coopération internationale. Tu vois, les ONG, etc., etc. Ce qui fait que le gouvernement n'a pas eu la maîtrise du redressement et ne l'a toujours pas. Tu vois, je vais te prendre un exemple. Moi, je connais des ONG. D'ailleurs, j'ai écrit un livre là-dessus parce que j'ai fait mes petites enquêtes sur les ONG, etc. Ben, il y a des ONG qui ont plus d'argent que, par exemple, dans le domaine de la santé, plus d'argent que le ministère de la Santé, tu vois. Donc, c'est quelque chose... Donc, il y a beaucoup de correctifs à faire et revoir un peu la coopération avec ce pays, quoi. Tu vois? Voilà. Tu disais que tu avais aussi écrit un livre, mais oui. Je sais que tu as aussi organisé pas mal d'expositions, de photographies, parce que parmi tes passions, les 18 au début, il y a aussi la photographie. Exact. Moi, j'ai pu regarder des photos qui sont magnifiques, d'ailleurs. Et donc, comment tu as sélectionné les photos qui ont fait partie, en fait, de tes expositions? Bon, ben, écoute, je dois avoir environ, à peu près, sur Haïti, à peu près 5 ou 6 000 photos. Ben, j'ai passé beaucoup de temps parce que, quand j'ai créé mon exposition, j'ai fait 2 expositions en Italie et j'ai peut-être un contact pour le Mexique, mais enfin bon, on en reparlera si jamais ça se fait. J'ai essayé de trouver une thématique. Pourquoi? Parce que quand on parle d'Haïti, on parle toujours de la même chose, de catastrophe, de choléra, de misère, etc. Alors que c'est un pays qui a beaucoup à offrir. Donc moi, j'ai essayé de cibler mon exposition sur la vie de tous les jours. Tu vois? J'ai parlé de la pauvreté, mais pas de la misère, tu vois. Oui, c'est tout à fait différent, bien sûr. Tu comprends? Donc j'ai fait des photos qui tournent autour de cette espèce de ruralité haïtienne, tu vois, où j'ai photographié des personnages, des paysages, etc. Je voulais montrer donc une image positive du pays. Pourquoi? Parce que le pays, une des pistes au niveau du développement économique, c'est le tourisme. Mm. Mais ils ont énormes problèmes avec cette réputation. J'ouvre des guillemets de merde, hein, excusez-moi, cher auditeur, excusez-moi, avec cette réputation. Donc, si vous allez voir sur les sites des ministères des Affaires étrangères, etc., qu'est-ce qu'ils vous disent? Surtout, n'y allez pas. Pour 2 raisons. Le choléra. 2, la sécurité. Bon, alors, choléra. Je m'excuse, mais c'est pas le touriste qui va attraper le choléra. Le choléra, c'est une maladie de pauvres, de gens qui vivent où il y a pas de système sanitaire, etc. Tu vois? Donc, c'est pas du tout un problème. D'autant que le choléra se soigne très facilement. Tu vois? À partir du moment où tu es à côté, où tu peux être pris en charge dans les 2 ou 3 heures, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Deuxième, c'est la sécurité. C'est vrai qu'il y a un problème de sécurité, mais à la capitale. Mais selon certaines statistiques, Haïti n'est pas le pays pire des Caraïbes. Tu vois, si tu vas voir, je parle des Caraïbes ou l'Amérique du Sud, va voir au Mexique, il y a des milliers de morts à cause des narcotrafiquants. Va voir la Jamaïque. Et, voilà, c'est pas plus dangereux que les autres pays, tu vois. Et alors, ce que je voulais ajouter aussi, donc c'est un frein au tourisme. Alors qu'il y a des endroits, je conseille aux auditeurs, allez-y. Il y a des endroits magnifiques, des endroits de rêve où vous n'avez pas ce tourisme de masse comme vous rencontrez à Saint-Domingue, où vous vous retrouvez dans des hôtels, très beaux hôtels, avec des grands murs et des gardes armés tout autour. Vous n'aurez pas ça en Haïti, parce qu'en province, il n'y a pas ce genre de problème. La province, vous avez beaucoup de sécurité en province. Attendez, je peux en parler, ça fait 10 ans que j'y vais et je fais le touriste. Vous savez, je vais là-bas, je fais le touriste. Voilà. Est-ce qu'on peut partir toute seule ou on a besoin de partir avec un voyage organisé? Il est évident que tu ne peux pas partir ton sac à dos et débarquer à Haïti. Il faut te faire accompagner ou avoir un petit réseau sur place. Ça, c'est clair. Par exemple, si tu veux venir avec moi... Ça, c'est une invitation. Hein, on va réfléchir. Ou ta collègue, si vous voulez venir toutes les deux, je vous y amène et vous allez passer des vacances merveilleuses, intéressantes et enrichissantes. Pourquoi pas? On pourrait même envisager un Bruxellando en direct d'Haïti. Pourquoi pas? Et voilà, Georges qui t'est arrivé aussi. Bonsoir, Georges. Pas mal. Bonsoir, Marie. Ça serait pas mal, un voyage à Haïti. Pourquoi pas? On peut y réfléchir. Il y a pas mal d'idées. Et donc, tes expositions ont eu beaucoup de succès, ils m'ont dit. Oui, beaucoup de succès en Italie, beaucoup de succès. Parce que, le titre de l'exposition, c'était Haïti, un altro sguardo. Haïti, un autre regard. Voilà. Donc, Donc, ça veut dire que j'ai cassé cette image négative. Et alors, tu vois, maintenant, j'ai quelques... et encore deux jours, j'ai reçu une proposition pour aller faire au Mexique par l'ambassadeur d'Haïti au Mexique. Mais enfin, on va voir. On verra bien. On va voir s'il trouve l'argent. On te souhaite bonne chance. Ouais. Et Daniel, mais la regia ci suggerisce qualcosa proprio musicale per allietare la serata. Radio Alma, Bruxellando, Marie Dia ai microfoni, e con noi questa sera ospite Bruno Mariani, il quale ci ha raccontato di questa sua appassionante, entusiasmante esperienza pluriennale ad Haiti. E sempre con Bruno invece cambiamo argomento, quindi Bruno stasera veramente ci sta raccontando tante cose, e parliamo invece di quest'anno, che è il 2013, che è appena cominciato, quindi rinnoviamo ancora nuovamente gli auguri a tutti i nostri amici all'ascolto. E questo 2013 è l'anno che la Commissione Europea dedica alla cittadinanza, quindi un tema che necessariamente coinvolge quindi anche tutti noi, perché insomma noi cittadini europei siamo ormai 500 milioni, forse qualcosina in più, e quindi questo è l'anno per noi, quindi è l'anno per esprimere eventualmente anche altre esigenze. Che cosa è stato pensato quindi qui in questa capitale dell'Europa, che è veramente crocevia di tanti popoli e di tante persone? Ce ne sono tantissime, 27 gli stati membri, 28 con la Croazia, che fra poco si aggiungerà a questa veramente numerosa famiglia europea. Ha deciso di raccogliere delle interviste tra giovani ragazzi che vivono soprattutto nei comuni di Ixelles e di Etterbeek, di raccogliere quindi queste 27 nazionalità, di raccogliere quindi 27 storie. Il titolo del progetto è Nous, jeunes d'Europe au cœur de nos communes. I comuni interessati sono per l'appunto Ixelles e Etterbeek, e Bruno è il fotografo di questo libricino, che sarà pronto probabilmente a fine febbraio, per la quale poi vi faremo sapere i dettagli quando ci sarà anche la serata di gala. Due serate, per essere precisi, già ci sono state tra novembre e dicembre, una presso il comune di Etterbeek il 21 novembre, l'altra presso il comune di Ixelles il 4 dicembre, entrambi di martedì, quindi per noi di Bruxellando impossibile partecipare perché eravamo qui, però per la prossima cercheremo di organizzarci, perché vale la pena comunque essere presenti. Bruno, allora, racconta un po', tu mi disais auparavant en fait qu'il y a un fil rouge parmi ces 27 interviews. Voilà. En fait, j'ai voulu un peu démystifier la bulle européenne. Parce que tu vois, Bruxelles, ville européenne, il y a pas mal d'expats. Et je voulais un peu savoir comment ils vivaient leur citoyenneté. Donc en fait, c'est un projet qu'on a fait avec la commune d'Etterbeek et d'Ixelles, où nous avons, je crois qu'Etterbeek, c'est, je ne sais plus le pourcent, je crois que c'est 17% des Etterbeekois sont européens. Ben c'est bien. Félicitations c'est très bien. À la commune. Alors, à la commune d'Etterbeek, nous avons un service qui s'appelle Conseil consultatif des affaires européennes, où nous essayons de faire de la cohésion sociale intra-européenne. Ouvert à tous, mais enfin ça, je reviendrai à ça. Pourquoi? Parce que j'avais peur d'un certain communautarisme, que les Italiens restent entre eux, les Espagnols, etc. Donc je voulais un petit peu m'intéresser à ce projet pour voir comment les jeunes européens vivaient leur citoyenneté dans ces deux communes. Mm-hmm. Alors, ce qu'on a fait, moi et Maria Laura Franciosi... Et on saisit l'occasion aussi pour lui faire de meilleurs vœux. Voilà. Elle devait être avec nous ce soir, mais bon, elle a eu d'autres empêchements. Pour l'instant, elle est en Italie. Oui. À très bientôt, Vanella Laura. Non, mais Maria Laura, et je crois qu'elle est connue en Belgique parce que c'est une journaliste et elle écrit un livre sur l'immigration italienne qui s'appelait Per un sacco di carbone. Pour un sac de charbon. Oui. Voilà. Que, voilà. Donc, on a travaillé ce projet, moi et Maria Laura, c'est-à-dire qu'on a interviewé un jeune, c'est pas 27-28, parce que on y associe la Croatie. Ah, déjà. Oui, oui, oui. Félicitations, oui, bien fait. On les a déjà... On les a déjà absorbés. Intégrés, très bien, très bien. De toute façon, c'est le 1er juillet, donc. Ben voilà. C'est le 1er juillet, c'est très bientôt. Exactement, oui, bien c'est le 1er juillet. Donc, on a interviewé 28 jeunes de chaque État membre, expatriés ici en Belgique, pour un peu ressentir comme ils vivaient leur citoyenneté. Donc, en fait, on a travaillé trois thèmes pour avoir une cohésion dans les interviews. Donc, il y avait une première partie où il se présente, tu vois, il parle un petit peu, voilà, je suis arrivé à Bruxelles, tata, j'ai fait des études. Donc, pour un petit peu cerner le personnage. La deuxième partie, on leur demandait, tiens, tu habites Etterbeek ou XL, comment tu vis ta citoyenneté, qui tu fréquentes, comment tu vis ta citoyenneté dans la commune, etc. Et troisième thème, l'Europe. L'Europe, donc on leur posait la question de savoir, tiens, comment vous souhaitez l'Europe? Est-ce que vous sentez qu'il y a un avenir, etc., etc. Tu vois? Donc, on a travaillé ces trois thèmes. Et j'en ai tiré des conclusions assez. Alors, on fait un peu l'analyse par question. Oui. Si tu connais par esprit les statistiques. Oui. Par rapport à la première question, j'imagine qu'il y a pas mal de jeunes qui travaillent dans les institutions européennes, qui travaillent dans les privés liés aussi aux institutions. Oui. Il y a pas mal de gens qui ont fait l'Erasmus, apparemment. Exactement. Donc, il y a une génération, en fait, Erasmus, qui est en train de s'affirmer aussi parmi les adultes, parce que finalement, on devient adulte aussi. Et il y a une génération, donc, qui est divisée, qui partage les mêmes défis, les mêmes concerns vis-à-vis de l'Europe, parce que ça, c'est quand même une question très intéressante à voir à travers les yeux des jeunes. Qu'est-ce qu'ils pensent, alors, de cette Europe? Est-ce qu'elle va réussir? Est-ce qu'elle va finalement sortir de la scène internationale? Alors, ça, c'est donc tu veux parler de la troisième partie. En particulier, oui. Ah, parce ok, que comme alors, ça... on va en parler. Effectivement, je suis occupé, je n'ai pas terminé, mais enfin, j'ai déjà les idées claires. Donc, j'ai analysé les interviews. Effectivement, j'en ai conclu qu'il existe une génération Erasmus. Mais, malgré tout, qui vivent... Oui, non, la génération Erasmus... existe. Mais ce qui est dommage, parce que naturellement, moi j'ai travaillé dans la bulle européenne. Ce sont des gens qui habitent des communes qui sont à proximité des institutions européennes. Et tu vois, moi je pense, bon c'est très intéressant, j'ai vu très peu d'euros, quasi pas. J'ai senti beaucoup d'enthousiasme, j'ai senti certains petits pays... qui ont certains petits complexes vis-à-vis des plus grands, tu vois. Il y a une interview où ils disent, oui, mais nous, on a un petit pays, on vient de rentrer, et les grands pays européens nous regardent un peu de haut, parce que nous, petits pays des Balkans, etc., tu vois. Il y a encore des petits accrochages, mais je n'ai pas trouvé d'euroscepticisme, pas du tout. Pas du tout. Et alors, tu sens une jeunesse qui veut se battre pour l'Europe. Et une jeunesse qui croit à l'Europe. La seule chose, il est dommage, parce que bon, j'ai fait ce travail dans la bulle, il aurait été intéressant de faire ce travail, d'interviewer un jeune de chaque État membre dans leur pays d'origine pour un petit peu comparer. Oui, tu vois, comparer les résultats. Pour un petit peu comparer. Et moi, je dis que, tu vois, il faut éclater cette bulle. Il faut l'éclater. Pourquoi ? Parce que, moi, j'ai ressenti une centralisation de l'Europe à Bruxelles. Tu vois, c'est comme les euros. Il y a les eurodéputés, par exemple. Les eurodéputés, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à Bruxelles, ils prennent l'avion le vendredi. Tu vois, ils ne donnent pas le message européen dans leur pays d'origine, ou très peu, tu vois. Tu vois, ça veut dire qu'il faut éclater la bulle et aller vers le citoyen. Tu vois, par exemple, beaucoup de jeunes parlent de la citoyenneté européenne. Tu vois? Oui, tout à fait. Et donc, c'est une voie vers laquelle on veut aller, plus de démocratie. J'ai lu beaucoup de textes qui parlaient que ça manque un peu de démocratie. Tu vois, on a un problème avec la bulle européenne. Oui. Moi, si je peux me permettre d'ajouter peut-être un petit commentaire à ça. Oui. la boule européenne est une conséquence quand même des institutions même. On peut pas éviter d'avoir une boule autour de ces institutions. On vit tout ici à Bruxelles. Bien sûr. Forcément, on parle à tout le monde des affaires européennes parce que c'est la réalité, c'est le quotidien. Donc, ça devient aussi notre vie à nous. Et moi, je parle aussi, je pense au nom de Georges, de Fiordaliso, oui. Parce que on est, comme on dit, nel bene, nel male, oui. On est tous concernés dans la même façon. Tout à fait. Mais le problème de la boule, c'est encore autre chose. Alors, le problème de la boule, le problème que moi je vois, peut-être, c'est une pensée qui est forcément harmonisée. Une pensée qui ne sort pas, peut-être, de ces cercles tout à fait européens, qui alors a tendance à oublier ce qui se passe dans les États membres. Alors là, moi, je vois clairement un problème. Un problème de valeurs, un problème d'idéaux, un problème aussi de conscience personnelle. Oui. Alors, s'il y a des moyens pour aller au-delà de ça, moi, je suis la première, je peux le dire ici à Bruxelles aussi, qui sera bien contente de participer à faire quelque chose de plus. Il faut transmettre un autre message, en fait. Bruxelles n'est pas simplement la ville des bureaucrates, n'est pas simplement la ville des fonctionnaires bien payés qui... Peut-être il y a, hein, peut-être, je ne sais pas. Non, mais bien sûr peut-être qu'il y a, parce qu'on est là, on est là. Donc, oui. Comme le quartier de la FAO, à Trastevere, à Roma, il est devenu le quartier FAO. Mais bon. Parce qu'ils vont habiter là-bas, donc il y a des conséquences. Mais ça ne fait rien, c'est normal. Ça fait partie du budget, mais ce qu'il faut faire, il faut faire attention, il faut quand même garder un contact avec aussi la réalité. Et c'est ce que Bruxelles doit toujours essayer de faire dans son petit niveau, je veux dire. On est une petite radio. Dans notre petit coin, c'est de dire qu'il existe aussi d'autres réalités. Qu'il y a des jeunes qui préfèrent écrire, peindre, chanter ou jouer un instrument musical. Alors, Bruxelles est aussi ça. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais la bonne surprise, c'est que il y a la communauté européenne, oui. Mais il n'y a pas cette espèce de communauté d'Italiens. Non, ça se mélange très bien. J'ai pu le constater, ça se mélange très bien. Il y a simplement quelque chose qui me frappe. Écoute, moi, je suis un petit peu dans le milieu européen de part, mais enfin, je suis vice-président des affaires européennes à Etterbeek. Il y a des réunions qui parlent de l'Europe. Il y en a. Tous les jours, il y en a des centaines. Tu vois, le problème, c'est il y a une pollution d'informations alors qu'il n'y a rien dans les États membres, dans les pays. Tu vois, ça veut dire, quand je dis éclater la bulle, ça veut dire ces informations, d'aller les porter ailleurs qu'à Bruxelles. Moi, mon agenda, si je veux, tous les jours, j'ai 2-3 réunions qui parlent d'Europe, de citoyenneté, de tout ce que tu veux. Tous les jours. Ça veut dire que tu sais que trop d'informations tue l'information. Ah, on sûr. Est bien d'accord. D'accord. Tu vois? Oui, là, on est tout à fait d'accord. Et tu vois, moi, par exemple, le projet que j'ai fait, bon, évidemment, c'est un rêve. Mais moi, ce qui serait intéressant, c'est de faire une espèce de caravane européenne avec des jeunes. Ça veut dire voyager à travers l'Europe avec une caravane pour parler d'Europe. Dans les États membres, aller dans les villes, dans les villages, etc. Tu vois, mais bon. Moi, je pense que c'est la bonne année, en tout cas. Hein. Oui. Il faut le faire cette année. Hein, et il faut le faire cette année. C'est l'année de la citoyenneté. Donc, moi, j'ai dans 15 jours. J'étais dans 15 jours de ma vie pour le faire, pour participer, pour organiser. Voilà, 15 fois 4, on a déjà dit. Vous êtes d'accord qu'il y a trop d'informations qui sont concentrées dans l'autre milieu européen et qu'on doit sortir ailleurs ces informations, tu vois? Mais là, alors, le problème s'avère quand même pour pas mal d'autres thématiques. Je veux dire, il y a d'autres thèmes aussi qui nous concernent. Bien sûr. Mais bon, ça, il me semble être quand même une très bonne proposition. On pourrait quand même envisager citoyenneté plus active aussi pour tout le monde. Voilà. Pas simplement pour les jeunes. Excusez-moi. Je sais pas, Radio Alma pourrait peut-être sortir dans cette caravane et de faire des émissions, je sais pas, à partir de la Croatie, de la Lettonie, là, de la Lituanie, une invitation il y a longtemps, de la Grèce, d'Espagne, etc. Tu vois, ça, on va y réfléchir, hein, on ne sait jamais. Ici à Bruxelles, avec les moyens de communication nouveaux, peut-être on pourrait arriver à faire quelque chose. On pourrait. Pourquoi pas. Mais là, il faut voir les thèmes aussi à divulguer. et traité. Alors, Bruno, oui. Le temps à la radio est court vite, hein, passe très vite, oui. Donc on est presque là. Est-ce qu'il y a une phrase avec laquelle tu souhaites saluer nos amis auditeurs? Alors, la majorité de nos auditeurs sont italiens. On sait pas. On sait pas. Tu vois, c'est ça le problème. Ce sont des gens qui comprennent l'italien. Si, quand même. Si, si, si, si, si. Non, non, finalement, je connaissais un petit peu Radio Alma. Je m'y suis intéressé ces derniers jours et je salue les auditeurs parce que c'est espèces de. On dit quoi, une radio communautaire ou comment vous pourrez la qualifier? Associative. Multiculturelle. Oui. Multiculturelle associative. Voilà, mais c'est très intéressant et je crois que vous avez gagné un auditeur. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On est une radio qui parle quatre langues, donc voilà. Minimum. Donc je salue tous mes auditeurs et si des amis me reconnaissent ou me connaissent, je les salue tous. Allora, noi ringraziamo Bruno per essere stato veramente con noi. Gli auguriamo veramente tutto il meglio per questi progetti che sembrano essere sì. Oltremodo interessanti e veramente portatori anche di valori. E speriamo che questo non sia effettivamente l'anno giusto, l'anno e perché no? E perché della no? Cittadinanza, l'anno dei cittadini. Quindi apriamo l'anno veramente con concrete speranze. Noi ti salutiamo. Salutiamo anche Maria Laura Franciosi che doveva essere qui con noi questa sera e che speriamo di avere però per un'altra occasione, perché tanto Maria Laura è un vulcano di idee, quindi probabilmente non si ferma. Potrà proporci qualche altra cosa. È stata nostra ospite varie volte a Radio Alma, quindi poi Maria Laura credo che sia universalmente conosciuta. E vedo Daniele in regia pronto per un altro suggerimento. Librangolo del mondo. Brangolo del mondo, wow. Questa la registriamo. Registriamo con un po' di problemi. È libera dai diritti di autore, no? Però è libera. Credo di, non lo so. Ci informeremo. Scusa, in ungherese come sarebbe librangolo del mondo? A világ könyvsarka. Qual è il libro e qual è il mondo? No, e qual è l'angolo? Qual è l'angolo? Oh, világ e il mondo. Világ, ah, come villaggio. Könyv è libro. Ah, Sorok sarebbe l'angolo, però l'angolo del libro diventa könyv sorko. Al contrario. Lo so. Vedi la könyv sorko. Oh, világ könyv sorko, perché? Oh, világ könyv sorko. Avila Kerciaka, questo è l'onda di quel mondo. L'ha ripetuto correttamente però. Sì. Senza accento sì. Russo questa sera. No, accento russo no, perché avere accento russo sempre. Non sempre serve accento russo, non sempre. Accento sovietico serve. Dì la verità, pure tu vuoi cambiare passaporto. Che come fai a saperlo? Sai, ragazzi, gli esercizi di stile possono solo condurre. Dopo Depardieu avremo Georges Laurent che emigra. Vabbè. Che dove è andato Depardieu? Scusatemi, mi sono perso questa notizia. Dall'amico Putin. È andato di amico Putin. Ha dato il passaporto. Benissimo. Cittadino onorario della Russia. E poi Depardieu gli porta un po' di soldini. Sentito, la Russia è bellissima. Quindi c'è niente da dire. Uno che va di là. Depardieu un po' meno. Meno 5 qui, meno 20 lì. Tanto quando sei abituato. Però se uno va a San 5. Pietroburgo e dice, aspetta, facciamo una prova. Prendiamo 5 metri sotto San Pietroburgo e l'alziamo sotto, c'è solo acquitrini, cioè in mezzo alla steppa degli acquitrini del nord, al disastro, al fango, questi hanno costruito una città enorme e bellissima capitale. Come San Pietroburgo. Uno deve andare e inchinarsi e dire mamma mia, bravi. Depardieu ci ha provato a inchinarsi, non ci è riuscito. No vabbè, ma quello è per questione di peso, secondo me se si inchina si schianta, quindi non può farlo. Però no, grande madre Russia. Un grande saluto a questo attore straordinario che comunque ha caratterizzato una fetta importante del cinema francese e con questo non dico niente più. La nostra Fiordaliso. Ecco, stasera torniamo un po' indietro nella storia europea e rientriamo un po' nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, stavolta da un punto di vista non abituale, potrei dire. Si tratta di un libro di un autore dell'est della Germania, cioè dell'ex est della Germania, Jurek Becker, che ha scritto il libro Jacob il Bugiardo, no, Jurek Becker, Jacob il Bugiardo. Voilà. In cui descrive un po' la vita, vita di tutti i giorni, la vita quotidiana, quotidiana in un ghetto polacco. E il protagonista è un uomo piccolo come tutti quelli che sono nel ghetto, perché comunque nel ghetto diciamo un po' lo status sociale non ha veramente, veramente un'importanza, tutti sono comunque già ridotti ad un livello un po' più basso rispetto a... sì, non è come tatuarsi un numero, ma già è molto vicino a quello. E per esempio ci sono dei professori specialisti del cuore che non possono più esercitare la professione, che cercano un po' di aiutare i consorti nel ghetto, che però hanno perso un po' della loro identità e le loro capacità oltre a questo piccolo confine. Quindi è come se tutti fossero un po' rimpiccioliti rispetto a se stessi, non avendo più la loro professione, la loro identità dei giorni liberi. E quindi noi vediamo questa quotidianità che comunque sempre ha come una presenza molto pesante, la possibilità di essere deportati, ci sono intere strade che vengono regolarmente deportate, e quindi c'è questo gruppo di gente che vive sotto questa atmosfera molto, molto pesante, e Jacob il Bugiardo è uno che un giorno sente una notizia per caso, quindi che i russi abbiano preso una città non molto lontana rispetto al posto dove sono, Bellanica, e dicendo questa notizia però dice una bugia, dicendo che l'aveva sentito alla radio, cioè era vero ma non era vero, nel senso che lui non ha una radio, però comunque da quel momento in poi ogni giorno gli si chiedono delle notizie. E lui non può farne a meno che inventarsene un paio, anche per dare un po' di speranza, un po' di futuro a questa gente che praticamente non ha altro da aspettare che anche la sua strada venga deportata. Comunque, questo suo piccolo, nel suo piccolo sta lottando contro la disperazione che sta avvolgendo un po' tutto, un po' tutti nel ghetto. Però non riesce veramente a scongiurare le grandi tragedie che si svolgono attorno. Quello che è bello in questo libro, oltre al fatto del suo valore nel presentarci un'altra volta in un altro modo, e anche con un tono cioè molto affettuoso, questa realtà, e anche i personaggi, di nuovo sottolineo, presentati in modo molto affettuoso. I personaggi che gli amici, il modo di relazionarsi, le persone salvate in extremis che si nascondono, che vengono diciamo aiutati da altri con i loro piccole dosi alimentari che hanno a disposizione, diciamo, è comunque un mondo presentato, cioè è proprio quello che vorrei veramente, veramente dire, che proprio questo tono affettuoso che fa di questo libro ad avere un valore aggiunto ancora maggiore rispetto a quello che si immaginerebbe. E quindi per questo motivo vi raccomando calorosamente di leggervelo. Quindi Jurek Becker, Jacob il Bugiardo. Edito non si sa. Edito, penso che fosse edito da Feltrinelli, ma non so se fosse se è in ristampa, perché comunque è un libro relativamente di vecchia data, quindi lo so che la traduzione esiste, ma non so se si può acquistare in questo momento. Beh, comunque si trova, in ogni caso troverete tutte le informazioni come al solito sul nostro blog, che è radioalma.eu/bruxellando. Però prima di chiudere, io non voglio chiudere adesso, c'è una domanda da fare. La domanda è, quindi, questa radio dà delle informazioni. Uh-huh. E che tipo di informazioni dà questa radio? Radio Jacob. La Radio Jacob, c'è una scena molto bella nel libro in cui lui ospita una ragazzina che effettivamente la sta nascondendo nel solaio, le fa un po' da padre. E ovviamente la ragazzina è molto interessata nella radio, vorrebbe vederla. Quindi c'è questa scena in cui Jacob la porta nel sottosuolo e la mette in mezzo alla stanza, e lui invece si nasconde dietro dietro la parete e sta facendo la radio, fondamentalmente. Se fa prima un'intervista con Winston Churchill, mm-hmm. o modulando la voce, poi fa addirittura l'orchestra, almeno ci prova, e poi, come ultima cosa, dice una favola. Cioè, ovviamente lui non deve fare queste cose ogni volta, perché lui semplicemente si immagina, diciamo, un percorso dell'armata russa verso la direzione del ghetto, cerca di renderlo un po' realistico, le cose che si accumulano piano piano. Però questa scena è molto bella, perché Lina, la ragazzina, da un lato capisce perfettamente che cosa sta succedendo, dall'altro lato sceglie di credere a Jacob e di credere alla radio. È una delle scene più belle. Come non dargli torto? A chi, a Jacob o alla ragazzina? Questa è la domanda. Alla radio. Che vi lascio in eredità. Bello, una bella invenzione. Quindi è stato scritto in che periodo questo? Nel dopoguerra, non saprei dire esattamente. Noi siamo l'anno. In diretta, però. È un classico, diciamo, del periodo, anche se si conosce sicuramente molto di più in Germania che oltre i confini tedeschi. Ha vinto dei premi ai suoi tempi, ne hanno tratto un film. Di cui non conosciamo niente. Cominciamo col libro e poi dopo. Di cui George si impegna la prossima settimana a portarci il titolo. Ho già detto, conosceremo. Ma conosceremo. Bene. Allora, io ringrazio. La conoscenza è un punto, no? È qualcosa lanciato al di là dell'ostacolo. Che bisogna poi raggiungere. È così. Quindi abbiamo buttato qualcosa dall'ostacolo. Lo raggiungeremo. Martedì prossimo. Promesso. È così promesso. Beh, mi sia facile che tu prometta. Io non ho promesso nulla. Hai detto promesso. No, è una domanda rivolta a te. Ah, era rivolta a me. Va bene, sì. Arriviamo, la conoscenza arriva. Va bene. Allora, prima di salutarci, perché siamo già quasi alla fine, ahimè, due eventi di particolare importanza, soprattutto per la comunità italiana. Mercoledì 27 febbraio alle ore 20:30, per la prima volta, credo, a Bruxelles, Max Gazzè in concerto. Mitico, grande Max Gazzè. Quindi Rue Royale 236, come al solito al Botanique, 1210 Bruxelles. Max Gazzè ha uno stile molto particolare, è un cantautore abbastanza interessante, penso che ormai sia sulla scena musicale italiana da circa un ventennio, quindi vale la pena partecipare. Tra l'altro, eccezionalmente canterà anche in francese, quindi insomma il messaggio può riguardare anche i nostri amici francofoni che parlano perfettamente l'italiano, e va sicuro che ce ne sono tanti. E udite invece, ritorna a Bruxelles dopo 6 anni, questo posso dirlo con precisione perché ho avuto già il piacere e l'onore di intervistarlo per l'appunto, 5 anni fa, 2008-2013, Franco Battiato. Questa volta torna al Busard il 26 marzo, che è un martedì, alle ore 20:30, e dovremo poter intervistare entrambi, quindi sia Max Gazzè sia Franco Battiato. Quindi insomma continuate a seguirci, perché come vedete gli eventi dei prossimi mesi saranno particolarmente interessanti. Tra l'altro ci sono ancora un paio di nomi che circolano nell'aria, ma non li posso ancora svelare, quindi insomma il palcoscenico nei prossimi mesi sarà dominato dal Made in Italy. Già che parliamo di autori italiani, vi ricordo anche Eros Ramazzotti, che ritornerà a Bruxelles il 13 e 14 aprile. Lui va al Foro Nazionale, giustamente, perché insomma è anche 2 date, probabilmente 3, quindi saremo ben lieti di darne ancora nuovamente notizia, se ci sono ancora biglietti disponibili, perché questo proprio non lo so. E con questo chiudiamo la nostra puntata di Bruxellando. Io ringrazio Dani M in regia. Grazie a voi. La nostra Fiordaliso, che riesce sempre a suggerire veramente chicche di lettura straordinarie. No, grazie. Un giorno mi dirai qual è il tuo segreto? Stavolta era un collega. Ecco, la fonte è stata svelata, era facile facile. Stavolta, proprio banale, guarda. Collega Jacopo. No? No, invece questo la collega conferma Jacopo. Del passaparola. Sì, ma questo collega complica tedesco? Le cose. Collega tedesco, effettivamente. Questo complica le cose. George, non essere geloso. No, no, no, complica le non cose perché essere tu dici, geloso. Qual è il segreto? Il segreto è che, per esempio, questa volta è stato un collega. Vuol dire che c'è una pluralità di fonti. Esatto. Quindi sarà e sarà difficile scoprire il segreto. Questo stavo dicendo. Ah, ecco, se magari era modo una ricetta sola, va, io non vado là. Invece no, è una congerie di cose. Vabbè. E noi siamo felici, così potrò più volte porre la stessa domanda ed avere risposte diverse. C'è il nostro regista che urla! No! Salutiamo tutti, grande Mary D, che senza la quale tutto...